Chapitre 16e. Toutes les pistes. L'enquête ouverte sur l'accident de la place de Clichy, qui avait amené la mort de la petite danseuse Bianca, se termina, comme la plupart des enquêtes, sans rien apprendre de nouveau, sans révéler la vérité. On interrogea quantité de témoins qui, naturellement, racontèrent l'événement différemment. Au lieu de dire la vérité sans embâge, ce qui était extrêmement facile, chacun, selon son tempérament, ses antipathies, ses rancunes, fit un récit de l'accident non comme il l'avait vu, mais comme il voulait l'avoir vu. Pour les uns, ennemis de l'automobile, c'était la faute du conducteur. Pour les autres, ennemis du conseiller municipal de l'arrondissement, on devait imputer la mort de cette jeune fille au mauvais entretien des rues. Il s'en trouva même un, inventeur d'un nouveau système giratoire pour la circulation dans les voies de Paris, qui démontra que si tout le monde marchait en tournant au lieu d'aller tout droit, cela ne se serait pas produit. Tout cela, en somme, n'était que verbiage, fantaisie, paroles inutiles. La seule disposition sensée, ayant de la valeur, fut celle de Miss Hayden. Tout d'abord, elle demanda qu'on mît hors de cause le conducteur de la voiture. « Je sais conduire une auto. J'ai mon diplôme de chauffeur. Je parle en connaissance de cause. » Le conducteur de l'autobus n'est coupable ni de négligence, ni d'affolement, ni d'ignorance. Il a fait tout ce qu'il devait faire. « Je dois dire, » fit le magistrat chargé de l'enquête, « que c'est l'avis de la majeure partie des témoins. J'en suis heureuse. En somme, ce déplorable accident qui me navre s'est produit peut-être à cause de moi, à cause de vous. Je traversais la place quand Bianca s'y engageait. La pauvre enfant a voulu me joindre. Elle s'est hâtée. Dans la foule, elle n'a pu se créer un passage assez tôt, où elle n'a pas pris suffisamment garde. Peut-être a-t-elle fait un faux pas, ou a-t-elle été malencontreusement poussée par un passant de mauvais caractère, mal élevé. Bref, elle a glissé, simplement glissé. Or, l'autobus tournait. Il lui était absolument impossible de s'arrêter dans ce mouvement. Le hasard a voulu que Bianca n'ait pu se relever à temps. Moi-même, je n'ai pu lui donner la main assez tôt. Et le malheur s'est produit. Messieurs, ne cherchons pas plus loin. Il y a seulement un malheur, et n'accusons que la fatalité. Paulin Broquet, consulté, dut aussi se ranger à cette version. Que pouvait-il en effet dire de plus ? Quels arguments contraires pouvait-il présenter ? Et quelles preuves pour soutenir ses arguments ? Parler d'assassinat, de meurtre prémédité, c'était se mettre dans l'obligation de fournir des explications, de donner des détails, de révéler en somme un secret qui ne lui appartenait pas. Secret dont Miss Hayden, qui le détenait comme lui, venait, dans sa déposition, de lui montrer qu'elle entendait rester maîtresse. Se taire, ne pas faire part de ses soupçons, cela valait assurément mieux. Miss Hayden, adroitement, sans dire la vérité, n'avait pas cependant commis de mensonge. Paulin Broquet jugea prudent de se réserver et d'attendre, pour tout dire, qu'il eût les preuves en main. Or, cela ne lui semblait dès maintenant pas facile. Les éléments dont il avait besoin se trouvaient encore éparpillés. Il assumait la tâche de les réunir en faisceau et de porter le tout devant la justice quand l'heure sonnerait. Le crime, au demeurant, se rattachait de la façon la plus douloureuse et la plus serrée au drame initial, au vol des diamants de Rosa de la Huerte et de Miss Hayden. Par conséquent, tout en s'occupant à son aise, à son gré, de cette affaire, il poursuivait la vengeance de la petite danseuse. « Il est certain, » dit Paulin Broquet à ses lieutenants, « que si les bandits ont tué cette pauvre Bianca, c'est pour nous empêcher de la mettre en présence de l'homme que nous tenions, de ce marquis de Torre Alta. Assurément, chef. Donc, inutile de perdre notre temps à courir après les auteurs du crime de la place de Clichy, puisque ce sont les mêmes que les voleurs de diamants du cirque, les meurtriers de la Bretonne. Ce sont les mêmes ou leurs complices, ce qui pour nous est tout un. » Mais il fallait rassurer l'opinion, ne pas laisser admettre comme crime ce qui pouvait passer pour accident. Il fallait que sur l'affaire du cirque, dont on s'occupait énormément, ne vint pas se greffer ce nouvel attentat. Car ce que Paulin Broquet voulait par-dessus tout, c'est qu'on ne pût, dans le public, deviner les liens qui reliaient ces deux drames. C'est qu'on ne put soupçonner l'existence d'une nouvelle bande de malfaiteurs, d'une nouvelle association, et crier à la résurrection de Zigomar. Ah, répétait Paulin Broquet, qu'on ne me casse pas la tête avec ces histoires, et qu'on ne m'empêche pas de travailler à ma guise. Quantité de problèmes s'offraient à la perspicacité de Paulin Broquet. Il se trouvait dans cet état de nervosité spéciale que provoque toujours le début d'une affaire, chez les hommes de lettres, le début d'un roman, ou la première d'une pièce. Chez les artistes, l'envoi au salon d'un tableau, d'une statue. Chez les gens de sport, l'approche d'une rencontre. Chez les financiers, le lancement d'une opération. Chez les militaires, la veillée des armes. Or, Paulin Broquet, dans sa profession spéciale et pénible, touchait un peu à toutes ces branches de l'activité humaine. Il était à la fois artiste, sportsman et soldat. Ajoutez à cela qu'à sa marche dans l'inconnu se mêlait la présence d'une femme, peut-être même de deux femmes, de la femme rousse, de la femme brune, de celle qui était à la fois la femme rousse et brune. Il y avait vraiment de quoi désorienter un homme encore plus calme et plus maître de soi que ne l'était Paulin Broquet. Actuellement, le problème se trouvait posé, mais pour le résoudre, il lui manquait le point de départ. Un moment, il crut le tenir et pensa que l'arrestation du fameux marquis de Torre Alta allait lui donner la solution. « C'était trop beau, » se dit-il philosophiquement, « réussir une pareille affaire dans les 48 heures. » Quand le marquis lui échappa, il eut un mouvement de colère, mais nullement de désappointement. Certes, il ne pouvait s'attendre à une pareille évasion, mais elle ne le laissa pas grandement désemparé. « Le marquis, » dit-il à ses lieutenants, « le marquis, voilà l'homme que nous devons à toute force retrouver. » Le marquis de Torre Alta, qui, prisonnier, criait tellement contre l'abus de pouvoir, qui menaçait des foudres diplomatiques le chef de la sûreté, et invoquait son ambassadeur pour obtenir justice et vengeance, cet excellent marquis, une fois libre, eut soin de ne réclamer aucune réparation de l'outrage fait à son honneur de brillant gentilhomme, et s'empressa de disparaître complètement. On ne le revit plus ni au cirque, ni chez Martins, ni nulle part. « C'est prudent, » dit Paulin Broquet en riant, mais il ajouta en même temps « Toutefois, je crois que cet Hidalgo de Presidio ne s'est pas évanoui en fumée, et que loin d'être parti, aller bien loin, il rôde aux alentours, qu'il nous suit. Il a besoin de savoir à quoi s'en tenir, à connaître nos démarches. Il doit nous surveiller, nous pister, mais il a changé de personnalité. C'est certain, chef, » appuya Gabriel. « Nous ne l'avons pas encore reconnu, mais je gage que nous l'avons rencontré déjà, et souvent. » Paulin Broquet basait cette conviction sur l'expérience qui démontre que les criminels sont attirés impérieusement sur le théâtre de leurs crimes. « Cela, dit le détective, n'est pas le fait d'une simple curiosité ou du sadisme criminel. C'est uniquement parce que les malfaiteurs ont besoin de savoir ce que l'on fait contre eux. Le sachant, ils peuvent mieux échapper aux poursuites, et pour l'apprendre, ils viennent à la source même. » Et Paulin Broquet, presque tous les soirs, venait faire un tour au cirque, où il envoyait quelqu'un avec mission de le prévenir immédiatement si l'un des quatre gentlemen soupçonnés, le marquis et ses trois amis, était aperçu dans la salle. Mais il ne se bornait pas à la recherche de cette pièce unique. Il poursuivait l'affaire dans ses diverses ramifications. On lui avait enlevé chez lui, dans son coffre-fort, la bague aux aides en rubis, la seule preuve qu'il eut pour confondre le marquis de Torre Alta. Il ne s'en soucia plus, il chercha autre chose. « Nous n'avons pas, d'ailleurs, dit-il, à pleurer la perte de cette bague. Elle ne constituait une preuve que si Bianca la reconnaissait durant la confrontation avec le prisonnier. Le marquis évadé, cette bague, entre nos mains, n'a plus aucune valeur. » Paulin Broquet ajouta. « À ce propos, mes amis, je vois que cet événement se divise en trois phases bien distinctes. » Il refit brièvement l'analyse des faits et poursuivit. « Laissons de côté la première phase, qui est le vol opéré chez moi de cette bague aux aides en rubis. Ne voyons que le meurtre de Bianca, qui est la seconde phase. Ne retenons que l'évasion du marquis, la troisième. C'est exact, chef. On a voulu à tout prix nous enlever le marquis, ou, si on ne pouvait le reprendre, empêcher une confrontation accablante. Et ce qui s'est passé nous indique que cette affaire a été menée admirablement. Trois groupes de complices agissaient selon un mot d'ordre, d'après une consigne exacte, précise, indépendants les uns des autres, mais avec une implacable discipline et une habileté qui nous révèle, comme autrefois, une redoutable association de malfaiteurs. Gabriel insinua. « Le chef de la sûreté a peut-être raison. Nous avons probablement encore affaire à Zigomar. » Paulin Broquet ne répondit pas. Il se contenta d'allumer une nouvelle cigarette. Puis, cette scène se passant dans son bureau à la sûreté, il prit son chapeau et, sans dire un mot, il se retira, laissant tout perplexe ses lieutenants qui, entre eux, continuèrent à parler de ces étranges événements et de la rentrée en scène plus ou moins certaine de Zigomar, ce terrible héros de sanglante mémoire.